Alors, on va avec Taïfour Smaïn. Alors, Taïfour Smaïn, il y a eu donc la célébration de cette victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie en 1945. Et comme on s'y attendait, il n'y a pas eu de perturbation. Ça s'est passé du moins dans de bonnes conditions, alors que certains annonçaient une contre-offensive ukrainienne, annonçaient même un attentat après ce qui s'était passé le 2 mai dernier avec le drone isolé qui a atterri sur le palais du Sénat du côté du Kremlin. Et voilà donc aujourd'hui la sortie de Vladimir Poutine qui, dans son discours, a affirmé qu'une guerre a été lancée contre la patrie qu'est la Russie. Veuillez ouvrir votre micro, Taïfour Smaïn, on a du mal à vous entendre. Très bien, oui. Très bien. En fait, pour reprendre ce que j'avais dit précédemment sur votre chaîne, Poutine donc vient de réaffirmer sa position de force au monde entier. On l'a vu pas ce matin sur la place Rouge, le magnifique défilé qui a eu lieu. On a vu un Poutine plus fort que jamais. Il a donc réaffirmé donc sa position vis-à-vis de l'Ukraine et surtout la dénazification de l'Ukraine qui, ma foi, est en train donc de combattre le russe pour justement s'allier beaucoup plus du côté de l'OTAN. On l'a vu d'ailleurs avec Zelensky, pas plus loin qu'hier. Il avait annoncé qu'il allait proposer ou soumettre un projet de loi pour changer la date de ce qu'on appelle de la célébration des Russes, enfin de l'Union soviétique, sur le nazisme, c'est-à-dire le 8 mai. Le 8 mai, donc, pardon, le 9 mai. Donc, Zelensky, par cette action, veut se démarquer encore plus de la Russie et montrer aux Occidentaux qu'il est beaucoup plus engagé de leur côté. Et on voit aussi bien que les Zelensky, en dépit de toutes ces gesticulations, il n'a pas pu arrêter donc les Russes dans leur élan de démontrer leur force encore une fois. Et on voit bien que maintenant, il y a eu quand même une réplique, pas plus loin que tout à l'heure, c'est-à-dire il y a eu une réponse politique, voire militaire, on va dire, des déclarations beaucoup plus bellicistes, encore une fois, des Américains qui promettent quasiment de donner, donc bien sûr en réponse à ce qui au défilé de ce matin, donc 1,2 milliard d'aide aux Ukrainiens, donc ça a été déclaré tout à l'heure, donc à la Maison Blanche, et vous avez aussi les députés français aussi, donc toujours dans le sillage de ce défilé, ils avaient donc demandé donc à la France, ou plutôt à l'Union européenne, d'inscrire le groupe Wagner sur la liste des groupes terroristes. Voilà là donc la réponse apportée aux Russes, parce que a priori on est dans une surenchère derrière où chacun essaie de montrer avec les moyens qui sont les siens sa force, sachant que les Occidentaux et leur tête, les Américains, sont beaucoup plus dans la répétition. Rien ne va changer. Les aides financières promises à l'Ukraine n'ont pas cessé depuis le commencement de l'opération donc russe en Ukraine, en Donbass. Et vous avez aussi donc toujours ce qu'on appelle le suivisme français quant à cette guerre. On voit encore que les députés, notamment de Renaissance ici en France, donc qui appellent justement à inscrire Wagner, au risque de me répéter, sur la liste des groupes terroristes. Et si on devait comparer maintenant le réalisme politique par rapport à toutes ces déclarations, pas plus loin, on va dire que ce matin, le ministre des Affaires britannique, enfin l'Angleterre, donc il avait ce matin donc déclaré à Washington que les Ukrainiens ne devaient pas précipiter, il les a mis quasiment en garde contre une contre-offensive mal préparée. Et vous avez aussi le président tchèque qui s'est inscrit pratiquement dans la même démarche. Il avait donc appelé Zelensky pour le mettre en garde contre une offensive qui pourrait changer le cours de la guerre. On voit bien que les Ukrainiens donc peinent à remporter le pari de la guerre, et en dépit de toutes ces gesticulations qui sont donc beaucoup plus là pour, on va dire, dans un cadre de rhétorique guerrière qui n'a pas de, on va dire, de portée militaire, on est beaucoup plus dans la propagande que dans ce qu'on appelle la réalité du terrain, parce que les Russes, bien qu'ils aient accusé, on va dire, certains dysfonctionnements, notamment la volte face du chef de Wagner, quand il avait nommément donc pointé du doigt Shoigu et son adjoint donc pour par rapport à l'approvisionnement militaire, et ma foi, on a vu que ce monsieur était quasiment donc en colère contre sa hiérarchie. Et c'est ça qui a fait que les Occidentaux ont plus ou moins donc profité de ce malentendu entre le patron de Wagner et l'état-major russe. Et c'est dans cette perspective que tout s'est donc agencé, surtout venu donc en cascade, pour dire, et surtout ici en Europe, c'était quasiment donc en perte de vitesse, et que Poutine était plus que jamais isolé. Bien sûr, ce qui n'est pas le cas, il est peut-être isolé du côté européen ou occidental de manière générale, mais du reste du monde, il n'est pas isolé. On a toujours tendance ici en Occident à se faire passer pour ce qu'on appelle la communauté internationale, donc c'est pas le cas. Donc il y a deux blocs qui s'affrontent, on verra qui sera le gagnant, mais à mon avis, Poutine est en train de gagner cette guerre, je le vois bien, parce que même en dépit de toutes les aides qui ont été fournies à l'Ukraine, que ce soit en armement, en termes de finances, en termes d'aide logistique qui va avec, l'Ukraine n'a toujours pas enregistré de victoire, et on le voit bien aujourd'hui. La Crimée, par exemple, que justement les Ukrainiens réclament, si on devait faire un petit historique de cette ville, la Crimée a été annexée après 91 à l'Ukraine, enfin l'Ukraine l'avait annexée. Donc si on devait parler de territoire légitime, la Crimée appartient beaucoup plus aux Russes plutôt qu'aux Ukrainiens, et c'est justement cette falsification d'une histoire qui est en train de coûter au monde ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons bien vu qu'il y a eu un problème d'approvisionnement en blé quasiment pour surtout les pays les plus touchés par cette carence, on va dire, de fourniture en blé. C'est beaucoup plus les pays voie de développement, ce qu'on appelle le sud global, hein, donc pour ne pas dire le tiers monde. Le sud global aujourd'hui, il est touché par cette crise. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de ce qu'on appelle la propagande guerrière des Occidentaux. Ils ne vont pas regarder les choses en face. Pourquoi? Parce que leurs intérêts, on va dire, stratégiques et géopolitiques sont mis à mal par les Russes. Ils s'attendaient à ce que les Russes capitulent plus vite, ce qui n'est pas le cas. Les Russes ont quasiment développé leur arsenal militaire et même technologique, hein, parce que maintenant les Russes sont en train d'avancer technologiquement, contrairement à ce qu'on répète ici et là. Donc les Russes sont en train de s'émanciper au plan technologique, et on le voit bien, cette guerre leur a beaucoup plus servi plutôt que défavorisé. Et on voit bien que maintenant, en dépit de toutes ces gesticulations, même si on parle d'une victoire, on va dire, prochaine des Ukrainiens, c'est pas vraiment le cas, parce que cette contre-offensive dont on parle tellement et qui tarde à venir, on dénote combien que au sein même de l'OTAN, il y a un dysfonctionnement de ce qu'on appelle la préparation militaire, l'acheminement dont on parle tellement d'armes, alors que les Américains sont quasiment à épuisement de leur stock. D'ailleurs, Bloomberg, pas plus loin que la semaine dernière, avait fait état de ce qu'on appelle l'épuisement du stock d'armement américain. En Europe, c'est encore pareil, mais encore une fois, on est beaucoup plus dans la surenchère guerrière et surtout belliciste. Pourquoi? Parce qu'on essaye pas à tout prix à gagner une guerre qui ma foi, risque de durer dans le temps, parce qu'on refuse de pousser les Ukrainiens au dialogue. C'est les Américains qui s'y opposent, et les Anglais, on l'a vu récemment, enfin pas plus loin que la nuit dernière, quand le ministre des Anglais, dont le nom m'échappe, malheureusement, je l'ai complètement oublié, parce qu'il n'est pas intéressant pour moi, c'est pas grave. Donc le ministre anglais à l'époque, avait sauté dans un avion et s'était précipité pour aller dire à Zelensky qu'il fallait pas donc signer un quelconque arrêt de guerre avec les Russes. Et on le voit aussi, aujourd'hui, les Américains sont en train, donc, comme disent les spécialistes, en train donc de sacrifier les Ukrainiens et surtout les enfants quasiment. Donc la chair à canon, et malheureusement, cette guerre risque de durer encore une fois dans le temps. Taïfour Smaïn, on reste avec vous. Et Vladimir Poutine qui essaie de faire un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale concernant bien sûr le conflit avec l'Ukraine. Il parle de civilisation qui est à nouveau un tournant. Et il estime donc Vladimir Poutine, qui a d'ailleurs appelé à la victoire de ses troupes, que le futur de la Russie dépend de cette victoire militaire qui lui fait actuellement toujours défaut après bien sûr l'invasion de l'Ukraine. Taïfour Smaïn. Alors, en effet, vous avez raison de le souligner, c'est quasiment une guerre des civilisations. C'est pas celle de l'Occident contre le monde arabe, cher à Huntington, qui avait parlé de choc de civilisation. Aujourd'hui, on voit bien que ce choc, il s'opère beaucoup plus du côté de l'Est et de l'Ouest. Poutine avait très très bien rappelé ce matin, il avait parlé d'une différence de valeurs en parlant, il est revenu sur les valeurs familiales qui ici malheureusement en Occident sont en train de se perdre. L'institution du mariage a été quasiment sabordée. Vous avez aussi ce qu'on appelle la crise de la foi. Ici en France, une crise quasiment spirituelle. Les valeurs occidentales ne sont plus ce qu'elles étaient autrefois. Et donc Poutine se place comme le sauveur justement des valeurs chrétiennes authentiques, et c'est dans ce cadre-là qu'il justement s'érige en défenseur de ces valeurs. Il a raison de dire que c'était beaucoup plus une guerre civilisationnelle et surtout de valeurs qui est en train de s'opérer, et seul le victorieux, c'est-à-dire que ce soit les Russes ou les Européens, auront donc d'ici là à imposer la vision du monde. Bien entendu, le reste du monde, il faudrait toujours parler des autres peuples qui partagent en large majorité la vision du monde de M. Poutine et pas de l'Occident. L'Occident, il a une façon un peu particulière, une conception particulière de ce qu'on appelle la morale. La morale, ici en Occident, elle est beaucoup plus ce qu'on appelle ici l'évolution des mœurs. Pour certains, c'est une régression des mœurs. Et ma foi, les Russes, ils ont donc garder, on va dire, cet héritage ancestral chrétien, parce que l'orthodoxie, d'ailleurs, russe, elle est beaucoup plus, d'ailleurs, ortho qui veut dire droit, c'est-à-dire ils sont droits dans leurs bottes. Donc, du mot latin, ortho qui veut dire droit, ils sont droits dans leurs bottes. Et les Russes, encore une fois, essaient de véhiculer ce qu'on appelle, ou plutôt de prendre le monopole d'un monde avec des valeurs morales, religieuses et unitiques, qu'elles soient politiques ou autre, qui va, on va dire, gérer le monde de demain. Maintenant, est-ce que les Occidentaux vont prendre acte de tout ça et essayer de reviser leur position? Parce que même les peuples, les autres peuples, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, comme en Afrique, qui sont très conservateurs et surtout très très pointus en ce qui concerne la religion chrétienne, donc ils sont beaucoup plus... on va dire, ils vont beaucoup plus s'aligner sur la logique de Poutine plutôt que de l'Occident. Et c'est ce, malheureusement, l'Occident n'a pas compris, c'est qu'il est en train de perdre son âme. Il est en train de perdre son âme et perdre aussi l'adhésion des peuples en imposant justement sa vision du monde à pratiquement à deux tiers de l'humanité. Pour justement imposer cette vision, il est en train de tomber un peu dans la propagande et surtout... on parle surtout ici de droits de l'homme, mais le droit de l'homme, après, chacun a sa conception. On peut interpréter la conception de l'homme au monde sur les valeurs qui nous sont propres. Alors, il ne faudrait pas imposer au monde ces valeurs, il y a par la vue lors de la Coupe du Monde, alors, au Qatar, qui avait justement interdit à ce que brandissent les brassards arc-en-ciel. Et on l'a vu, on a essayé d'imposer au Qatar un cliché ou des standards qui étaient typiquement européens, alors que là-bas, ça ne marchait pas. On a vu que les peuples musulmans, de manière générale, ont rejeté cette vision du monde. Et c'est là où le drame des Occidentaux, c'est qu'ils n'ont pas compris que les gens voient la vie, ou plutôt le monde, autrement. Il va falloir beaucoup plus composer plutôt que de rentrer en confrontation et essayer d'imposer, comme ils l'ont fait pendant plus de deux siècles, d'imposer une vision du monde. Les Occidentaux, c'est le monopole divin, ils ont compris la vie, ils ont compris les droits. alors que ces droits sont même ici en Occident sont bafoués quand on parle de droits politiques, quand on voit par exemple les éléments de l'extrême droite défiler à Paris le 8 mai, ils ont défilé en toute impunité avec des cagoules, ils étaient tous encagoulés et la police n'a pas bougé, vous vous rendez compte. Et quand vous avez que des gens qui demandent à protéger leur pain, c'est-à-dire les retraites, ils ont été quasiment tabassés par le pouvoir établi, et on leur a interdit de s'exprimer, on a même donc confisqué les cartons rouges, qui est quand même un moyen civilisé de s'exprimer ou de contester une politique d'un pays. Alors, on voit bien où est la dictature, où est la liberté d'expression dans ce cas. Et c'est ça où, justement, les Européens, d'une manière générale, ou les Occidentaux, d'une manière générale, c'est là où ils se bourrent. Ils sont restés sur l'idée ancienne, comme quoi c'est eux ce qu'on appelle le sémaphore civilisationnel. C'est plus le cas. Maintenant, la Russie est en train d'émerger. On voit bien que cette Russie, avec des valeurs unitiques, elle séduit beaucoup plus que l'Occident. L'Occident, il séduit plus. Les Européens, de manière générale, croient toujours qu'ils sont en train de séduire, que leur pays, c'est vraiment l'Eldorado. D'ailleurs, ils ne cessent de le répéter. Maintenant, tous les peuples de la Terre, on l'a vu avec le président namibien qui avait donc rappelé à l'ordre un responsable allemand qui est venu lui dire, pas plus loin, enfin je crois que c'était ça la semaine dernière, il avait rappelé justement ce grand responsable allemand qui avait essayé justement de donner des ordres au président namibien en lui disant pourquoi vous donnez des marchés aux Chinois. Donc on voit bien que les Européens, d'une manière générale, pensent qu'ils ont un droit de tutelle sur, notamment les Africains, parce que c'était leur base arrière jusqu'à passer très récent. Et maintenant, ils sont en train de perdre ce qu'on appelle, ils sont en train de perdre pied dans le continent, et on le voit bien aujourd'hui. Alors, plutôt que de réfléchir sur la question, essayer de s'engager dans un, on va dire, partenariat gagnant-gagnant, ils sont beaucoup plus dans cette logique néocolonialiste, ma foi, est plutôt suprémaciste, si j'ose dire ainsi. C'est-à-dire qu'ils pensent que les anciens peuples qui étaient colonisés, que ce soit le Maghreb ou l'Afrique, c'est des gens qui sont donc incapables de réfléchir par eux-mêmes, ce qui est quand même terrible. C'est penser que les gens n'ont pas encore acquis la maturité politique ou que les gens n'ont pas évolué depuis, c'est vraiment se bourrer, c'est quasiment, ils sont en train, si vous me permettez l'expression, en train de passer à côté de la plaque. Et c'est ça qui fait ce qui fait le drame de ces Occidentaux qui n'ont toujours pas compris, saisi, et surtout tiré toutes les leçons de ces 20 dernières années, de ces 20 dernières années, les Occidentaux n'ont cessé de connaître des voies. C'est pour revenir, par exemple, aux Américains. Les Américains, ils ont mené des guerres depuis la création de cet État qui a été, rappelons-le, bâti sur l'empreinte du sang. Ils ont quasiment parqué les autochtones, j'entends par là les Indiens, ils les ont parqués quasiment dans des endroits reculés des États-Unis, ils les ont marginalisés, pour la plupart c'est des alcooliques, et on voit bien que ces Américains, depuis la création de cet État, ils n'ont pas cessé de mener des guerres pour vivre soi-disant de l'opulence. Et si on devait calculer le temps de presse qu'il en fait, ça, les analystes parlent de 7 années donc de repos par rapport aux Américains. Les Américains, là où ils vont, ils sèment la pagaille. C'est comme les Attila et ses hommes. Donc là où ils passent, l'herbe ne pousse pas. Maintenant, malheureusement, quand on tient ce genre de discours, on passe automatiquement pour un complotiste et on passe automatiquement pour un anti-occidental. Non, moi je ne suis pas un anti-occidental. Moi je suis un anti-système. Un antisystème dans le sens où un système croit toujours qu'il est plus à même à contrôler le destin des peuples. Les peuples, c'est fini. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est une nouvelle génération, c'est des gens qui ont fait des études, c'est des gens qui ont acquis une certaine maturité politique et des gens qui ont vraiment une conscience de lucidité en matière de gestion pratiquement économique et tout ça. D'ailleurs, les grands dirigeants de la Banque mondiale, il ne faut jamais oublier que même si on ne les voit pas comme ça, c'est des Africains, des Arabes et tout ça. Mais malheureusement, on n'en parle pas, on met toujours en évidence ce qu'on appelle l'Européen et que c'est toujours lui qui commande. Maintenant, franchement, il faudrait revenir à l'essentiel, c'est-à-dire les Occidentaux, s'ils devaient composer avec le monde émergent d'aujourd'hui, le monde, j'entends par là, les Chinois, les Indiens Et les Russes, ils voudraient mieux pour eux qu'ils composent plutôt que d'essayer de retarder. Vous avez vu, pas plus loin que hier, les Européens se sont inscrits dans le suivisme aveugle traditionnel en essayant d'imposer des sanctions à certaines compagnies technologiques chinoises. Merci donc à vous, Taïfour Smaïn. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition d'appel sur le continent. Le temps pour nous de dire merci à Issa Diawara qui était donc avec nous. Avec lui, on a parlé de cette coopération. Alors, voilà, gagnant entre le Mali et la Chine avec cette réception d'un important don de matériel. Issa Diawara, un mot certainement de la fin pour cette édition d'appel sur le continent. Le mot de la fin, je salue tout le monde. Évidemment, il faut simplement dire que nous sommes toujours au début de ce bras de fer. Il y a une guerre entre l'Occident et le reste du monde. Mais même si tout le monde ne comprend pas que la guerre est en cours, c'est pourquoi il faut saluer le président Poutine d'avoir compris et de l'avoir dit ouvertement que son pays fait l'objet d'une guerre. Et nous autres Africains, nous sommes en guerre, nous sommes agressés, pas depuis des décennies, mais depuis des siècles. Depuis qu'ils ont commencé à nous vendre, nous sommes en guerre. Depuis qu'ils nous ont colonisés, nous sommes en guerre et rien n'a jamais changé. Les mêmes esclavages continuent, la même colonisation continue, mais sous d'autres formes. Donc la guerre continue contre, bien sûr, l'Afrique, bien sûr, contre notre peuple. Et c'est à nous de savoir qui nous sommes en guerre et à nous de savoir contre qui, avec qui nous sommes en guerre. Contre qui nous sommes en guerre, et en ce moment nous pourrons peut-être essayer de créer une défense collective, une défense d'ensemble. Je vous remercie. Alors Taïfour Smaïn, un mot de fin également avec vous, notamment avec les propos avancés lundi dernier par Volodymyr Zelensky, qui affirmait que Poutine sera vaincu de la même manière que le nazisme a été vaincu. Lui qui répondait à Vladimir Poutine, qui a affirmé que cette guerre était, bref, que l'État ukrainien était comme du nazisme, Taïfour Smaïn. Très bien. En fait, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il parle de nazisme, alors qu'il oublie qu'il est à la tête d'un groupe de nazis, à commencer par le maire de Kiev, qui est un nazi notoire, un ancien boxeur, un voyou, qui pour recevoir les dirigeants européens, exige une certaine somme d'argent pour donner des marchés plus tard, bien sûr, aux Européens, qui exigent pratiquement 100 000 euros pour un rendez-vous. Donc, c'est, encore une fois, c'est plutôt l'hôpital qui se fout de la charité. Encore une fois, c'est de la surenchère beaucoup plus politique plutôt qu'une réalité, hein, parce que là, Zelensky sait pertinemment, hein, qu'il est à la tête, on va dire, d'une oligarchie mafieuse qui a des banques offshore et qui, ma foi, que toute l'équipe qui l'entoure, c'est des néo-nazis. La bande de ce qu'on appelle de Stéphane Bandera, a commencé par le bataillon d'Azov, qui était sous son commandement. C'est des nazis, autant que je sache. Ils arboraient, on va dire, des saluts nazis, et puis ils arboraient des insignes du Troisième Reich. Et c'est pas Poutine qui portait ça. Il faut rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a eu quand même, pendant la Deuxième Guerre mondiale, 26 millions de Russes morts pour justement libérer le continent européen du nazisme. Alors, encore une fois, c'est justement l'hôpital qui se fout de la charité. Je pense qu'il ne faudrait pas prendre ça en considération. Le temps va nous répondre. On dit même que le temps est l'allié de la vérité et ça va se voir plus tard. Afrique Média, le monde, c'est nous.